Ne cherchez plus, c'est franchement, je sais pas si c'est l'effet des bistrots qui sont réouverts, si c'est l'été qui arrive, si c'est le printemps qui me travaille, mais je suis extrêmement heureux de vous retrouver ici dans la saga des Fab Four sur RIG 90.7, www.rigfm.fr. Et puis, il y a des tas d'autres façons de trouver RIG. Vous allez sur radio, je ne sais plus comment, et puis vous cherchez la saga... De toute façon, c'est pas difficile. Vous allez sur Google, vous tapez la saga des Fab Four, vous tapez RIG aussi, et vous trouverez le moyen de nous écouter. Donc, de toute façon, si vous entendez ça, c'est que tout va bien. Vous êtes, j'espère, sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four. On va commenter cette saga numéro 496. On approche de la 500e. Ce sera le 16 juin. Et je compte sur vous pour être présent encore plus que d'habitude, parce que ce sera 4 heures d'émission, ça va être génial. L'album de la semaine, c'est un album qui est un chef-d'œuvre, ce que j'appelle un masterpiece. C'est l'album Chaos and Creation in the Backyard de Paul McCartney en 2005. On écoutera Anyway, How Kind of You, English Tea, extraordinaire, Jenny Rain, parfaite, Friends to Go, une sorte de clin d'œil à George Harrison, et Too Much Rain, ça ce sera pour l'album de la semaine. Il y aura également John Lennon, George Harrison, Ringo Starr et les Beatles. Pour Lennon, Jealous Guy sur l'album Imagine en 1971. Harrison nous chantera Try Some, Buy Some, chanson qu'il avait filée à son pote David Bowie. Ce sera lui sur Living in the Material World en 1973. Quant à Ringo Starr, ce fameux album qu'il a fait pour faire plaisir à sa maman, Dixit Ringo Starr, en 1970. L'album Sentimental Journey et cette chanson, je vais reprendre, Have I Told You Lately That I Love You? Eh bien, si je ne l'ai pas dit, je vous aime. Voilà, pour les Beatles, ce sera I've Got a Feeling. Ça, c'est le début. Pour le reste, vous verrez bien, puisque le générique se termine. Et nous commençons 2 heures de bonheur. Ah bah oui, 20h02, 22h02. Moi, je trouve que c'est normal. Donc, on commence avec Anyway, Paul McCartney sur RIG à son meilleur en 2005. On en reparle un petit peu plus tard. Bonne soirée à tous et à toutes. Et même à toutes et à tous. Je préfère mettre les filles d'abord. Je préfère. C'est mon goût à moi. Voici Paul McCartney sur RIG. If you love me, won't you call me? I've been waiting, waiting too long. In my soul, constant yearning, always singing this song. Only love is strong enough to take it on the chin. When did I begin? dans cette année 2005, Paul McCartney a frappé fort, très fort même. Il va enfin recueillir de toutes parts un unanime satisfaction critique, oui, c'est ce qui est écrit. Mais il est un élément qui a plaidé en faveur de ce chaleureux accueil. Le disque est produit par Nigel Godrich, une éminence grise de groupes tels que Radiohead et Travis, ou encore de Beck. A priori, contre nature, cette alliance inattendue avec ce jeune et respectable producteur britannique offrait alors un motif de curiosité inédit et presque un titre de légitimité soudainement retrouvé. On rêve, mais c'est ainsi. Le même phénomène s'était d'ailleurs produit précédemment lorsque Paul McCartney s'était durablement accoquiné avec Elvis Costello à l'époque de Flowers in the Dirt en 1989. Cette cohabitation artistique avait alors réveillé la curiosité des plus réfractaires à l'univers musical habituel de l'ancien Beatles. Au-delà de cet aspect paresseux des appréciations médiatiques, parce qu'il a été un peu mal accueilli au début, on trouvait, d'ailleurs moi aussi, à la première écoute, je trouvais l'album bien, mais ça manquait de bon rock, voilà. L'apport de Nigel Godrich à ses nouveaux enregistrements est fondamental et très intéressant. C'est sur les conseils de George et Jill Martin que Paul s'est tourné vers lui. Il connaissait déjà son travail avec Radiohead et appréciait l'atmosphère du nouvel album de Travis, The Invisible Band. Mais pour la première fois depuis des lustres, Paul McCartney va renoncer à produire ou coproduire lui-même l'un de ses disques. C'est tout à fait délibérément qu'il décide de s'en remettre totalement au point de vue d'un producteur. Il aura donc la main heureuse tant l'approche de Godrich se révélera intelligente, intuitive et surtout déterminée. Le garçon a du caractère, c'est sûr. Peu impressionné par la stature de son illustre client, il va progressivement amener McCartney à sortir d'une certaine routine et à quitter des effets trop souvent battus. En premier lieu, il lui fait renoncer à enregistrer avec les musiciens qu'il accompagne habituellement et lui impose de jouer lui-même de pratiquement tous les instruments. « Je veux faire un disque qui te ressemble, lui dit-il. Ce que les gens ont envie d'entendre, c'est lui, le plus simplement possible. » McCartney, qui explore inlassablement tous les chemins créatifs, voit très bien où veut en venir son jeune producteur. Il va jouer son jeu pleinement, se pliant à toutes ses exigences et renonçant par là même à toute forme d'autocomplaisance et de confort. Ce ne sera pas sans certaines frictions, mais au bout du chemin et fort du résultat, McCartney reconnaîtra que l'opiniâtreté de Godrich à ne pas céder devant aucune facilité aurait été bien plus que payante. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet album pour l'instant. Celle-là, je me demande si j'ai besoin de la présenter. Jealous Guy. Au départ, ça s'appelait Child of Nature en 1968. Il a changé les paroles pour ce titre. C'est John Lennon, forcément. Cet album a encore été produit par Phil Spector pour George Harrison en 1973. L'excellent album Living in a Material World. Donc on ne lui reproche rien à Phil Spector. Voici Ringo Starr maintenant. Have I told you lately that I love you? C'est passé ce coup-ci. Have I told you lately that I love you? Could I tell you once again somehow? Have I told with all my heart and soul how I adore you, darling? I'm telling you now. This heart would break

Everybody had a good time. Everybody had a wet dream. Everybody saw the sunshine. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Everybody had a good year. Everybody let the hair down. Everybody pulled the socks up. Everybody put the pool down. Oh yeah. Saga des Fab Four, c'est la version de Let It Be, l'album de 1970, I've Got a Feeling. Deux chansons, vous le savez, I've Got a Feeling, la chanson de McCartney, Everybody Had a Hard Year, la chanson de Lennon. On mixe les deux ensemble, ça va pas être évident de chanter deux airs complètement différents ensemble, mais bon, c'était les Beatles, hein. Puis bon, les autres aussi savent le faire, mais ça, quand on est chanteur, c'est bien, en tout cas. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette chanson, qui est une excellente chanson, évidemment, sur le dernier album officiel des Beatles. Pas le dernier album enregistré, mais ça, je vous apprends rien. Vous savez très bien que le dernier album enregistré du temps des Beatles, c'est l'album Abbey Road. Faudra qu'on y revienne, d'ailleurs, un de ces quatre à Abbey Road. C'est trop, trop bien. On revient à l'album de la semaine. Par contre, l'album Chaos and Creation in the Backyard de Paul McCartney en 2005 et ce titre, How Kind of You, sur RIG. Think of me when I was out of sorts. It really meant a lot to be in someone else's thoughts, someone else's mind, someone else's kind as you. The thoughtfulness you showed has made a difference in my life. I won't forget how unafraid you were that long dark night. I thought that I was lost. I thought I'd never find a someone quite as kind as you. Martha, my dear, though I spend my days in conversation, please remember me. Martha, my love, don't forget me. Martha, my dear, hold your head up, you silly girl. Look what you've done. When you find yourself in the thick of it, help yourself to a better what is all around you. Silly girl, take a good look around. Why don't we do it in the road? La saga des Fab Four sur la radio des Beatles. À consommer sans modération. Why don't we do it in the road? The deeper you go, the titre le plus long des Beatles, Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey, alors que le titre de travail de John Lennon, c'était Come on, come on. On est passé de rien à énorme. Et c'est très embêtant à écrire sur une playlist. Vous savez, on doit rendre à la radio les disques qu'on passe. Et lorsqu'on écrit Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey, je suis obligé de raccourcir la police de Word là, de façon d'Excel en fait, pour être exact, de façon à ce que ça loge dans les cases sans me faire une case de 30 cm. Voilà, c'est le petit détail que j'avais envie de dire. C'est une très bonne chanson, deux très bonnes chansons extraites de l'album blanc. Apparemment il y avait eu Martha, My Dear. Voici George Harrison méditatif, un George Harrison romantique, un George Harrison qu'on aime bien, sur l'album Somewhere in England en 1981. Voici Life Itself sur RIG. Step by take, you are the love in life itself. Oh yes, you are. life had at sea. If you're not in the Navy, that's the life for you. Sail away, Raymond, sail away. Just for me, always imposing, and I'd rather meet a tree somewhere out in the cornfield. And it's a sunshine, it's a sunshine life for me. Chanson comme on l'aime, Ringo, une chanson style country composée par George Harrison pour lui. Et c'est surprenant parce que on ne s'attend pas à ce genre de musique pour George Harrison, la preuve qu'ils étaient capables d'aller dans tous les sens, nos amis les Beatles. On va revenir, si vous le voulez bien, et rappelez-vous que vous n'avez pas le choix, à l'album de la semaine, l'album Chaos and Creation in the Backyard par Paul McCartney en 2005. Et je voudrais vous dire sur cet album-là, au sujet de cet album-là, pour être exact, que l'éternel adolescent a vieilli et sa grammaire intime traduit cette métamorphose avec une grâce renouvelée. At the Mercy et How Kind of You sont à cet égard d'une poignante éloquence, égrenant leur gamme d'accords chavirants et d'une mélodie non feinte, virant parfois au noir comme dans le glaçant et amer Riding to Vanity Fair. Écoutez-le sur cet album. Sur d'autres plages, McCartney semble retrouver des marques anciennes et renouer avec une forme d'expressivité directe et épurée. Ainsi, on associera souvent la merveilleuse ballade acoustique Jenny Rain, qu'on écoutera, à Blackbird, ou encore la peinture délicieusement maniérée de English Tea à Honey Pie, sans qu'elle n'ait par ailleurs à souffrir de ces comparaisons. Mais ce qui frappe avant tout à l'écoute de cet album dans son ensemble, c'est son climat résolument feutré et intimiste, j'en ai parlé au début, sa musicalité douce et en demi-teinte. Contrairement à son prédécesseur Driving Rain, on n'y trouvera ni rock fiévreux ni pop song légère. Tout est dédié à l'émotion. Et dans ce registre, McCartney s'est encore indiscutablement mené la danse avec panache. Les amples ballades dans lesquelles il excelle ne manquent pas à l'appel et certaines ont tous des grands standards de leur auteur, envoûtantes et ingénues comme Anyway, qu'on a écouté au début, This Never Happened Before, ou encore Follow Me, désuètes et sensuelles comme le sophistiqué calypso de A Certain Softness, franchement poignante comme Too Much Rain d'une pudique compassion. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet album que je pose et je vous propose d'écouter English Rain sur RIG dans la saga des Fab Four. Would you care to sit with me for a cup of English tea? Very twee, very me, any sunny morning. What a pleasure it would be, chatting so delightfully. Nanny bakes fairy cakes every Sunday morning. Miles and miles of English garden stretching past the we might play. attentively. As a rule, the church bells chime when it's almost supper time. Nanny bakes fairy cakes on a Sunday morning. Nous allons retourner sur l'album All Things Must Pass de George Harrison, pourquoi Paul McCartney, en 1970. Vous savez que cette année, on attend une ressortie de cet album avec les chansons sans le travail de Phil Spector sur cet album-là. Il y a déjà eu quelque chose un peu comme ça et je vais vous le proposer. Sur l'album All Things Must Pass, déjà, on peut écouter la démo de Let It Down. Je vous propose d'écouter Let It Down, la version proposée par George Harrison dès le début, et après la version avec la production de Phil Spector. Donc deux fois la même chanson, la première en démo et ensuite le résultat final. Oh, this is called Let It Down. I can feel you here, looking like I don't care, but I do. Ça se termine comme ça. Comme le dit Christine sur Facebook, Là, c'est la version entre nous, au coin du feu. Tiens, puisqu'on a le droit de ressortir maintenant, on est au coin du feu, tranquille, dehors. On boit des boissons correctes, hein, des soft drinks pour moi. Et puis, George Harrison nous chante ça, ce serait bien. Mais lorsqu'il était en studio, ça a donné cette version-là, que j'adore également. Let It Down, la même, mais la version finale. toujours pensé que lorsqu'une chanson peut être entendue soit avec plein d'orchestration comme à l'instant, ou soit tout simplement avec une guitare sèche, voire un piano, si on aime les deux chansons, les deux versions, c'est forcément que cette chanson est excellente. C'est le cas pour Let It Down de George Harrison en 1970 sur l'album All Things Must Pass. Retour aux Beatles par deux fois dans la saga des Fab Four. Saga des Fab Four que vous écoutez tous les mercredis entre 20h et 22h sur RIG 90.7 ou sur www.rigfm.fr. N'oubliez pas que la 500e, c'est dans 4 émissions. Le 16 juin, c'est dans pas très très longtemps. Alors, je vous invite, si vous voulez me faire plaisir et peut-être vous faire plaisir, à prendre dans le groupe La Saga des Fab Four la photo de la 500e et à partager. Dites-le. Plus il y aura de monde à l'écoute pour la 500e, plus moi, ça me fera une super grande satisfaction. Voilà, c'est dit, c'est fait. Les Beatles donc deux fois, I'm Only Sleeping sur Revolver en 66 et un an auparavant, ce sera après, What Goes On, chanté par Ringo Starr sur Rubber Soul, les voici. Animateur radio, un homme et les auditeurs. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesmeur. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four.

la saga des Fab Four, même si quelquefois je triche un peu, c'est d'écouter John Paul Ringo George de 1962 avec la sortie de Love Me Do en octobre jusqu'à maintenant. S'ils ont sorti quelque chose, on l'écoute dans la saga des Fab Four. Eh bien, quand même, avoir commencé en 1962 et 43 ans plus tard nous sortir ce qu'on vient d'entendre à l'instant, donc en 2005, Jenny Raine, chapeau Monsieur McCartney. Et il a continué, on est en 2021, il continue à nous sortir des titres absolument fabuleux. Ce gars a consacré sa vie à la musique, et entre autres, et c'est absolument génial. J'en ai des frissons en disant ça. Bon, je vous propose la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo et George, justement, que ce soit eux les compositeurs ou pas, même si eux ont repris une chanson, si eux ont chanté cette chanson-là, il y a quelqu'un qui en a fait la cover. Et là, aujourd'hui, c'est un groupe qui s'appelle les Analogues, et je vous propose deux chansons carrément, parce que c'est évidemment Sgt Pepper, Lonely Hearts Club Band et With a Little Help from My Friends enchaînés. Donc c'est sur leur album Sgt Pepper la cover, et c'est bien, c'est très bien, et c'est en live, c'est ce que je voulais dire. Voilà, donc là voici cette chanson, ce duo de chansons, c'est deux chansons, c'est mieux. Allez, on y va. Tout le monde est en place? Allez, s'il vous plaît. Turn out the lights. I can't tell you, but I know it's mine.

1999 sur l'album Run, Devil Run, Paul McCartney. Cette chanson n'est pas écrite par lui. Par contre, la prochaine, c'est sur l'album Drive in Rain. Je suppose que vous me croyez si je vous dis que du McCartney, je pourrais en passer des heures et des heures et des heures et je n'en serais pas lassé. C'est une certitude. Vous êtes bien sur RIG 90.7 ou www.rigfm.fr. C'est ici qu'il y a la seule émission sur les Beatles qui est hebdomadaire, qui est le mercredi de 20h à 22h et qui existe quand même depuis 1984. Imaginez que dans 3 ans, on fêtera les 40 ans de cette émission. Waouh ! En tout cas, dans 4 émissions, c'est donc encore dans moins de temps, on fêtera la 500e et je vous invite à partager l'info de façon à ce qu'on soit nombreux et nombreuses à écouter le 16 juin de 20h à minuit. Voici John Lennon sur son plus mauvais album solo, l'album Sometime in New York City de 1972 et ce titre, Woman is the Nigger of the World, sur RIG. Yes, she knew. Think about it. Woman is the nigger of the world. Think about it. Do something about it. We make her paint her face and dance. If she won't be a slave, then say that she don't love. If she's real, we say she's trying to be a man. While putting her down, we pretend that she's above us. Woman, the nigger of

Rock is good. Good, good, good, good, good. Don't you think? Version de 1992, Ringo Starr. Là, nous sommes en 1975, des sessions d'enregistrement de rock and roll, John Lennon. Move over this hill sur RIG. Fabulous Four Saga, right here on your radio, with Thierry Gallet. À l'origine de l'idée de l'album, puisqu'il avait emprunté un petit peu beaucoup des paroles de cette chanson-là dans son titre Come Together. Et il a décidé d'en faire tout un album rock'n'roll. Ça a traîné quand même entre 73 et 75 pour paraître. Mais bon, c'est un excellent album où il fait de très très bonnes reprises, John Lennon. On n'arrête plus la musique parce que dans moins de 10 minutes, ce sera Johnny de A à Z avec Eric. Alors, un dernier extrait de l'album de la semaine. L'album, c'est toujours et encore Chaos and Creation in the Backyard de Paul McCartney en 2005. Et le titre du morceau que je vous propose d'entendre, c'est Too Much Rain. RIG 90.7, la radio des Beatles. it's not right. In one life, too much rain. You know the wheels keep turning. Why do the tears run down your face? We used to hide away our feelings, but for now, tell yourself it won't happen again. It's not right in one life, too. Porter la poisse. Too much rain enchaîné avec rain. Slipping. fois que je vous laisse entendre le générique, hein? Allez, dans quelques secondes, c'est Johnny de A à Z qui animera Eric. Ou alors le contraire, Eric qui va animer Johnny de A à Z. Je vous souhaite une très très bonne semaine et à la semaine prochaine. Ciao. Et n'oubliez pas, la 500e dans 4 émissions. 4. Parlez-en autour de vous.